Je m'adresserai particulièrement à ceux qui sont en contact avec le plan mental ou avec autre chose, mais que ce serait interprété comme le plan mental, peu importe là. De faire attention, pourquoi? Parce que le risque d'être mis en expérience, d'être mis en initiation, de ne jamais, jamais, jamais les croire, d'en tenir compte. Mais de ne jamais croire, ils peuvent dire des choses réelles pendant des mois, des années, tant qu'il y a un peu de doute. Mais si vous vous mettez à croire, là, ils vont s'arranger pour que vous interprétiez mal ce qui est dit. Et ça va vous mettre en expérience, ça va vous créer des problèmes, vous pouvez perdre tout ce que vous avez, vous pouvez perdre vos économies. Tout ça, pourquoi? Pour intégrer une certaine autonomie et développer une certaine identité propre. Et pour ça, ça peut aller très loin. Et ça va passer par de la souffrance. Ceux-là qui sont en contact avec le plan mental, osez me dire qu'ils ne vous ont jamais mené en bateau. Osez me dire ça, vous allez voir ce que je vais. Parce que j'ai encore une certaine colère contre ce plan-là qui est prêt à engendrer énormément de souffrance pour que là, il y en a qui, c'est sûr qu'on peut me reprocher une critique du plan mental ou une certaine révolte du plan mental, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette révolte-là est programmée par le plan mental lui-même, qu'elle est voulue par lui pour des raisons de développer une autonomie et de développer une identité réelle. Si vous agissez comme des mandatés du plan mental, vous risquez non seulement d'être mis en initiation, c'est-à-dire d'être mis en expérience par rapport à des événements extrêmement difficiles, mais en plus vous risquez d'y laisser votre santé. Ça peut faire partie aussi de ce qu'on pourrait appeler là, votre plan de vie, votre programmation, mais si ce que je dis là est intégré, ça voudrait dire que de se détacher de ça peut aussi faire partie de votre plan de vie, là, entre guillemets. Mais même là, je me méfie beaucoup de termes comme le destin, le plan de vie, les mandats. Il va falloir se détacher. Ça, c'est ce que je dis là, en tant qu'ego particulier. Il va falloir se détacher de ça. Il va falloir s'en détacher. Parce que vous allez au-devant de problèmes. Je le sais que c'est choquant, je le sais qu'il y a là certaines déceptions, mais s'il y a certaines déceptions par rapport à ce que je dis, c'est qu'il y a des attentes. Il y a des attentes. Personnellement, moi, je n'ai jamais eu l'intention de faire de ça ma principale activité. Je n'ai jamais eu l'intention de faire de l'argent avec ça. Puis, des séminaires, il n'y en aura pas. C'est au niveau là, de ce qui est fait, si vous voulez pas, c'est difficile là, ce que je dis là, parce que il y a de la résistance là, chez moi-même à le dire. À le dire parce que je sais que ça va être interprété. Et puis, comme par exemple, si pour vous l'idée que la révolte contre le plan mental peut être voulue par et mise en œuvre par le plan mental lui-même, si ça paraît paradoxal, c'est que c'est interprété psychologiquement. Tout simplement. C'est très simple au fond. Mais moi, là, les histoires de le double, le destin, le plan de vie, les mandats, les gens qui sont missionnés, aider autrui à intégrer. Désolé, mais je me suis départi d'une certaine naïveté par rapport à ça. Et vous, ceux-là qui sont très loin là-dedans, si vous êtes là, que vous pensez mandaté pour qu'autrui intègre et être une sorte d'accompagnateur et de guide, vous allez vous rendre compte que vous allez subir certaines coupure avec le plan mental et qu'il va naître chez vous, que ce soit conscient ou pas, mais vous allez peut-être le voir par après, une tendance à vous brancher sur le canal des gens qui vous entourent. C'est là que ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que vous le savez, là. Il y en a, là, je le sais que vous le savez. Et si c'est pas vu, si vous le savez pas, qu'est-ce que je dis là engendre une certaine colère, non pas, même pas envers ce que je dis, mais psychologiquement, même envers ma personne, c'est qu'il y a là quelque chose là de subjectif. Parce que vous le savez, ça. Vous le savez, ça. Si vous voulez pas, si vous ne voulez pas vous ramasser, là, que vous avez brûlé toutes vos économies, que vous avez brûlé énormément d'énergie inutilement, puis vous ramassez là, complètement à terre, complètement malade, tout décrissé, là. Le pire, c'est que vous le savez ça. Ce sont des pièges que, mais c'est très difficile de ne pas... Je sais qu'il y a encore des gens qui ont des problèmes. Vous voulez pas quand même pas tenir un groupe et voir. J'ai de la difficulté avec les groupes. De toute façon, à mes yeux, c'est un phénomène qui est individuel et par rapport à un collectif, il peut y avoir des échanges d'égal à égal. D'égal à égal, tout le temps, peu importe là, le degré d'intégration, il faut que ce soit d'égal à égal. Parce que si nous retombons dans la grégarité, dans l'esprit de meute, là, il va apparaître de la compétition, et puis là, il va apparaître de la personnalité, il va apparaître de l'égoïque animalisé, et ça, c'est extrêmement dangereux. Je sais que dans le milieu, il y en a, ça se traite d'archonte, ça se traite d'homme noir, puisque ça, c'est toutes des illusions, là, il y a un problème. Il n'est pas censé y avoir de compétitivité là-dedans. Puis aussi, là, l'affaire de se plugger sur le canal des autres, que ce soit conscient ou pas. Si c'est vous êtes en rapport avec des gens chez qui, par rapport à qui vous essayez d'exprimer une autorité, qui est une forme de domination liée à la grégarité, à l'animalité, puis que cette personne-là, inconsciemment ou pas, vous vous branchez sur le canal de cette personne-là, ben vous risquez de manger une volée. Une volée, là, par rapport au subtil. Puis c'est là que la santé va décliner très rapidement, ou vous allez vous faire couper vous-même de votre contact, vous serez en contact par rapport à une grégarité de groupe, et ça, c'est vampirique, et vous y laisserez votre santé, vous y laisserez des énergies. Tout ça est extrêmement dangereux. Je dis parce que ça parle, ça dit ça, et je considère que c'est nécessaire. Le mouvement, puis le fréquentiel qu'il y a là-dedans, je sais que je suis, que c'est correct, là, donc je le fais. Mais c'est réellement sans prétention. C'est pour ça que, aussi, vous ne me verrez pas par rapport à un esprit de groupe, jamais. Moi, je m'adresse à des individualités, j'échange avec des individualités réelles, et puis les affaires, là, je peux comprendre qu'il y a des séminaires, qu'il y a des choses comme ça, puis je critique pas, là, ça fait partie de l'expérimental, d'autrui, ça fait partie de des mouvements qui ne m'appartiennent pas, puis c'est correct, puis j'ai pas un mot à dire. Ce que je dis sur ça, c'est que de se méfier de tout ce qui est lié à l'esprit de meute, à la hiérarchisation, de tout ce qui est lié à l'autorité, même si vous vous réclamez de l'autorité de l'expérience. Parce que l'expérience, c'est quelque chose de particulier. L'expérience est particulière. Vous ne pouvez pas ensuite prendre votre propre expérience et commencer à essayer d'avoir une influence sur un autre particulier en parlant de l'autorité de l'expérience. Ça, c'est de la subjectivité. Et je trouve ça dangereux. Là, je ne vois plus quoi dire, ce qui veut dire que j'en ai assez dit, là. Je l'interprète comme ça. Bonne journée.